boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce n'est pas coutume, ce soir nous allons nous promener dans Pop and Rock, dans l'univers de Bernard Werber et de sa nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu. Mais pour l'instant, musique. Rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake, rattlesnake. mise en abîme. La mise en abîme est une technique artistique consistant à mettre une œuvre dans l'œuvre, que ce soit une histoire dans l'histoire, une image dans l'image, un film dans le film, une musique dans la musique. En littérature, on retrouve cette technique narrative dans le manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Ce roman écrit au XVIIIe siècle fonctionne avec un système de narration similaire, imbriqué dans la narration. En peinture, Jan van Eyck, en 1434, met au centre de son tableau les époux Arnolfini, un miroir représentant une image dans l'image, à savoir lui-même en train de peindre le couple. Celui-ci est vu de dos dans le miroir et le peintre de face. L'idée est reprise notamment par Diego Velázquez dans son tableau Les Minimes, où on le voit sur le côté en train de peindre le tableau. Elle sera également reprise par Salvador Dali, très amateur d'effets visuels vertigineux. En publicité, on peut noter le dessin du couvercle de la boîte de fromage La Vache qui rit. La tête de la vache porte une boucle d'oreille, une boîte de vache qui rit portant elle-même une tête de vache qui a elle-même une boucle d'oreille, etc. Au cinéma, des films comme Ça tourne à Manhattan, Le diable dans la boîte ou The Player racontent l'histoire d'une équipe qui tourne un film. En science, l'idée qu'il existe une petite forme géométrique similaire à la forme géométrique globale a permis au mathématicien Benoît Mandelbrot de mettre au point en 1974 le concept d'image fractale. La mise en abîme produit une impression de vertige en créant des sous-systèmes imbriqués dans le premier système. Dragon chinois. La technique du dragon chinois est une stratégie visant à convaincre une assistance d'une hypothèse incertaine. Elle est parfois utilisée en science pour conforter une idée douteuse. Le scientifique qui veut fabriquer un dragon chinois va, par exemple, créer un contradicteur imaginaire défendant une théorie opposée à la sienne. Et en démontrant que la théorie de l'adversaire ne tient pas, l'exercice est d'autant plus facile qu'il a lui-même inventé ses arguments, il va convaincre que la sienne est juste. Thank you. La reine Kaïna. Kaïna était une reine berbère qui régnait sur la région dite des Amaziges, les Aurès de l'est de l'actuelle Algérie. D'une grande beauté et toujours vêtue de rouge, elle arrive progressivement à s'imposer par son charisme et sa diplomatie. Élue par la Confédération des Imagènes, elle réconcilie toutes les tribus alentour, s'allie avec les Carthaginois de culture byzantine et s'oppose à l'invasion arabo-islamique entre 695 et 704 de notre ère. Face à elle, Hassan ibn Numan, agissant pour le compte du calife de Damas, Marwan. L'alliance berbéro-carthaginoise, les premiers étant animistes et les seconds chrétiens, empêche dans un premier temps les musulmans de prendre Carthage. Habile stratège, la reine Kaïna écrase les troupes d'Hassan ibn Numan à Miskiana, dans le Constantinois, et repousse les Arabes jusqu'en Tripolitaine avec des troupes 10 fois moins nombreuses. Humilié, ibn Numan demande des renforts à son calife qui lui accorde 40 000 guerriers expérimentés, mais l'avertit, ce sera la tête de Kaïna ou la tienne. Le chef de guerre attaque et cette fois reprend facilement Carthage. La Kaïna se retrouve seule avec ses guerriers berbères face aux troupes d'Ibn Numan. Elle pratique la politique de la terre brûlée en vue de dissuader les envahisseurs de poursuivre leur offensive et lutte avec des troupes 20 fois inférieures en nombre. Elle est pourtant sur le point de vaincre quand elle est trahie par Khalid, un jeune guerrier ennemi qu'elle avait épargné et adopté selon la coutume berbère de l'Ayana, protection des faibles. La reine sera alors faite prisonnière et décapitée. Lorsque le calife Marwan ouvrit le sac contenant la tête de la reine, il aurait dit « Après tout, ce n'était qu'une femme ». Cosmogonie hindoue. Pour les hindous, l'univers avance par cycles, alternant les périodes de création et les périodes de destruction. À la source de ce phénomène, 3 dieux, Vishnu, Brahma, Shiva. Vishnu est allongé, endormi sur le serpent Ananta, symbole de l'infini, le reptile sacré est lui-même posé sur l'océan de l'inconscient. Du nombril de Vishnu sort un lotus dans lequel se trouve Brahma, qui se réveille. Lorsque Brahma ouvre les yeux, un univers se crée, c'est le Big Bang. Cet univers possède les caractéristiques du rêve de Vishnu. Vishnu rêve le monde tel qu'il l'a connu et s'inspirant de ses souvenirs oniriques, Brahma fabrique la matière et la vie. Mais le monde est imparfait, alors Shiva danse pour dégrader l'univers jusqu'à son anéantissement afin qu'il puisse renaître. Lorsque Brahma referme les yeux pour se rendormir, tout est détruit, c'est le Big Crunch décrit par les astrophysiciens. Selon l'hindouisme, tout comme pour la prophétie de Daniel, chaque nouvel univers débute par l'âge d'or, puis viennent l'âge d'argent et l'âge de fer. Pour circuler sur Terre, ces trois dieux utilisent des avatars, c'est-à-dire des ambassadeurs dans les mondes inférieurs. Parmi les plus célèbres avatars de Vishnu, Rama, la septième réincarnation de l'avatar primitif qui débarrassa la Terre de ses démons, récit de Ramayana. Krishna, sa huitième réincarnation qui enseigna aux hommes l'extase dans l'amour divin. Bouddha, Gautama, est le neuvième avatar et l'on attend pour la fin de l'âge de fer l'apparition du dernier avatar, Kalki. Japonaise zen, le koan est une phrase paradoxale destinée à nous faire réaliser les limites de notre logique. Elle semble absurde, pourtant elle va nous contraindre à une gymnastique nouvelle. Son but est de nous éveiller à une autre perception de la réalité. Un koan peut même s'avérer douloureux pour une pensée trop rigide. Cette douleur est issue du fait que le mental fonctionne dans la dualité. Il aime les distinctions nettes et bien tranchées. Noir-blanc, bien-mal, gauche-droite, vrai-faux, etc. Avec le koan, nous le forçons à quitter ses rails habituels. On peut dire, vu par un triangle, la sphère est un koan. Exemple de quelques koans. Quand on ne peut plus rien faire, que peut-on bien faire? Qu'y a-t-il au nord du pôle nord? L'univers peut-il exister sans la présence d'une conscience? La lumière noire éclaire-t-elle? Si demain, en applaudissant, font du bruit, quel est le bruit d'une seule main? Une illusion peut-elle exister? L'homme regarde le miroir regarde l'homme. S'oublier soi-même, c'est être reconnu par le cosmos tout entier. Quand la neige fond, où va le blanc? Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Suis-je de mon avis? Recherchez la liberté et vous deviendrez esclaves de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Toute chose n'est connue que parce que l'on croit la connaître. Écoute le silence. In song and in dance, I express myself as a member of a higher community. I have forgotten how to walk and speak. I am on the way toward flying into the air, dancing. My very gestures express enchantment. I feel myself a god. Supernatural sounds emanate from me. I walk about enchanted, in ecstasy like the gods I saw walking in my dreams. I am no longer an artist. I have become a work of art. Welcome to the Pleasure Dome. lovers roam. Long way from home, welcome to the pleasure. En grec, le mot pan signifie tout. Le préfixe pan étant par la suite utilisé pour marquer la globalité. Exemple, panoramique, vision totale, ou pandémie, maladie qui touche un ou plusieurs continents. Dans la mythologie grecque, Pan est né en Arcadie. On le prétend fils d'Hermès et de Pénélope, la compagne d'Ulysse qui traversait les montagnes d'Arcadie pour rejoindre ses parents. Mi-homme, mi-bouc, son front est orné de petites cornes, son torse est velu, son visage triangulaire est terminé par une barbiche. Lorsque sa mère le découvre, son apparence physique l'effraie tant qu'elle préfère l'abandonner en pleine forêt. Son père, Hermès, l'enveloppe d'une peau de lapin et l'emmène à Olympe. Là, les dieux olympiens s'amusèrent de sa présence facétieuse et le gardèrent. Dionysos tout particulièrement appréciait les pitreries de cet enfant au visage ingrat. Vivant en forêt, près des sources et des prairies où il fait paître ses troupeaux, Pan est considéré comme un dieu à l'appétit sexuel démesuré, toujours prêt à poursuivre les nymphes ou les jeunes garçons. Tombé amoureux de la nymphe Syrinx, il la poursuit donc et celle-ci, pour lui échapper, se transforme en roseau. Pan, ne pouvant la retrouver, finit par couper tous les roseaux et se fabrique une flûte, d'où la fameuse flûte de Pan. Pan est aussi le dieu de la foule, et notamment de la foule hystérique en raison de sa capacité à faire perdre la raison, d'où le mot « panique ». L'humour est provoqué par un accident dans le cerveau, une information bizarre ou paradoxale est reçue par les sens, mais ne peut être digérée par le cerveau gauche, celui qui compte, raisonne et contient l'esprit logique. Pris de court, il se met automatiquement en panne et envoie l'information parasite au cerveau droit, intuitif, artistique, poète. Celui-ci, de son côté, ne sachant que faire de ce colis piégé, envoie un flash électrique qui neutralise le cerveau gauche et lui laisse le temps à lui, cerveau droit, de trouver une explication artistique personnelle. Cet arrêt momentané de l'activité du cerveau gauche, toujours omnisurveillant, entraîne aussitôt un relâchement cérébral et l'émission d'endorphine, l'hormone qui est aussi émise durant l'acte amoureux. Plus d'informations paradoxales et gênantes pour le cerveau gauche, plus le cerveau droit va envoyer un flash puissant qui provoquera une importante émission d'endorphine. En même temps, comme un mécanisme de sécurité qui relâche la tension provoquée par l'information indigeste, tout le corps participe à l'effet décontractant. Les poumons rejettent de l'air d'un coup, phénomène d'expiration accélérée qui est le début physique du rire, ce qui entraîne une crispation et une décrispation par saccade des muscles zygomatiques du visage, de la cage thoracique et de l'abdomen. Plus en profondeur, les muscles cardiaques et les viscères sont agités de spasmes qui produiront un massage intérieur décontractant l'ensemble du ventre au point de relâcher parfois les sphincters. Pour résumer, le mental ne pouvant digérer une information inattendue, paradoxale ou exotique, se neutralise lui-même. Il bascule en mode panne. Il disjoncte. Et cet accident est finalement l'une de nos plus curieuses sources de plaisir. Plus une personne rit, plus son état de santé s'améliore. Cette activité ralentit la vieillesse et réduit le stress. Rions. Just give me that smile. Oh baby, come on. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Donne-moi ce sourire que je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smilotech avec celui qui dessine tes fossettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Dame, je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développez les négatifs de ce moment positif. Fixez, fixez, fixez, fixez l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Oh. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. Done. I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Après le rire, Hadès. Son nom signifie l'invisible. Lorsque, après la défaite de Cronos, ses trois fils se partagèrent l'univers, Zeus prit le ciel, Poséidon la mer, et Hadès reçut les mondes souterrains. Exclu de la liste des 12 dieux olympiens, car son royaume n'est pas dans la lumière, Hadès est le 13e dieu et aussi le plus redouté du Panthéon. Installé sur son trône d'ébène, au fond des enfers, il porte le casque d'invisibilité offert par les cyclopes et tient dans sa main un sceptre de mort. À ses pieds, Cerbère, son chien à trois têtes. Pour l'apaiser, les Grecs immolaient au-dessus d'une fosse des taureaux noirs dont le sang s'écoulait sur le fidèle dans le culte de Cybèle ou de Hytra. On nommait ce rite « taureau-bol ». Le royaume des enfers d'Hadès est traversé par cinq fleuves, le Léthé, fleuve de l'oubli, le Cocyte, fleuve des gémissements, le Plégéton, fleuve du feu, le Styx, fleuve de la haine, et l'Archéron, fleuve de l'affliction. Sur la barque de Charon, le passeur des enfers, les âmes des morts traversaient le Styx. Chaque étape franchie en enfer fonctionne comme un clapet interdisant tout retour en arrière. Seuls Ulysse, Héraclès, Psyché et Orphée parviendront à en remonter. Toutefois, l'expérience aura pour eux un prix. Orphée perdra son amour, Eurydice. Psyché mourra à la sortie. Hadès, pour sa part, ne quitta qu'une seule fois son royaume des ténèbres pour se trouver une reine. Comme il savait qu'aucune femme ne consentirait à descendre vivante au pays des morts, Hadès se résolut à ouvrir la terre pour enlever de force la fille de Déméter, la jeune Perséphone. Se disait coiffeur d'oiseaux, elle se cachait dans les branches, elle attrapait tous les oiseaux, elle découpait tout plein de formes, n'importe comment dans leurs ailes, avec ses ciseaux de couture et un joli petit peigne. Se sont mis à voler un pas de travers et se cogner dans les branches

let you down if you let me too close. Am what I am, know what I know. You catch me running away, then you'll know. I am what I am, know what I know. I'll let you down if you let me too close. Am what I am, know what I know. You catch me running away, then you know. C'est pas faux, ce soir c'était un pop and rock un peu particulier. J'avais envie de partager une nouvelle fois avec vous mes lectures de Bernard Werber. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Surtout bis à tous et on écoute pour se quitter The Orioles. Bis.